Chapitre 48. Elle ouvrit les yeux dans le silence absolu de l'hôpital, regarda la pièce autour d'elle, faiblement éclairée. Elle put constater que rien n'avait changé depuis qu'elle s'était endormie. Judith était pourtant sûre d'avoir entendu dans son sommeil la porte se refermer. Quelqu'un était entré dans sa chambre. Étendue dans son lit, la tête sur l'oreiller, elle ne bougea pas, se dit qu'il devait s'agir d'une infirmière. Alors pourquoi était-elle nerveuse tout à coup? Parce qu'elle était seule la nuit dans une clinique manifestement déserte, ou en tout cas privée de vie à cet étage? Parce qu'il n'y avait personne pour garder sa porte? Parce qu'elle aurait aimé avoir quelqu'un avec elle dans la chambre pour lui tenir compagnie? Elle tourna son regard vers la fenêtre. Derrière les lames en plastique blanc des stores, la pluie tombait sans discontinuer. Des éclairs griffaient la nuit. Elle voulut s'asseoir, mais sentit le cathéter de la perfusion tirer sur sa main. Elle suivit des yeux le tube translucide jusqu'à la poche transparente suspendue à une potence. Lut l'étiquette. Composé actif diazépam, solution de perfusion chlorure de sodium 0,9%, dextrose 5,5%. Voilà pourquoi elle s'était endormie si rapidement. Elle en était là de ses pensées quand il y eut de nouveau un mouvement derrière la porte. Des pas, à peine perceptibles, qui s'arrêtèrent un instant et repartirent. Son cœur battit plus fort, comme si quelqu'un avait écouté pour s'assurer qu'elle dormait. La porte de la petite salle d'eau, elle était entr'ouverte. Elle était sûre qu'elle était fermée avant qu'elle s'endorme. Et si le bruit venait de là plutôt? Elle eut l'impression que son cœur gagnait encore en volume. Avait-elle vraiment envie de savoir s'il y avait quelqu'un? Oui. Elle ne pourrait pas retrouver le sommeil sans ça, avec le soupçon que quelqu'un se planquait là. Impossible. Elle s'assit au bord du lit, posa ses pieds nus sur le carrelage froid, se leva. Sentit quelque chose tirer fortement sur le dos de sa main, mais son esprit était bien trop accaparé par la salle d'eau. Judith longea le lit, appuya sur l'interrupteur. Le néon de la salle d'eau clignota. Elle poussa doucement la porte jusqu'à ce que celle-ci touche le mur. Soudain, elle surprit un visage qui l'observait en face d'elle, un visage meurtri, tuméfié, hagard, au regard apeuré, dans le miroir, son visage, son propre regard effrayé. Personne. Elle fit deux pas du seuil de la salle de bain jusqu'à la fenêtre, écarta les lames des stores pour regarder en bas. Dans l'obscurité battue de pluie du parking, elle vit deux silhouettes sous des parapluies noirs. Les deux silhouettes avaient leur visage levé vers sa fenêtre. Elle fixait Judith. Elle n'aima pas du tout la façon dont l'homme et la femme la dévisageaient. Pourquoi la regardait-il d'ailleurs? Puis les deux inconnus échangèrent un coup d'œil et se dirigèrent calmement vers l'entrée de l'hôpital. Qu'est-ce que ça signifiait? En proie à un début de panique, elle se rua vers le bouton d'appel, appuya. Elle avisa la traînée de sang sur sa blouse, ferma le petit robinet en plastique que du ruban adhésif fixait à sa main, celui du cathéter qu'elle avait arraché sans s'en rendre compte en se levant. Elle attendit. Une attente interminable. Elle n'entendait rien d'autre que le bourdonnement de la climatisation et celui dans ses tempes. Une minute. Deux. C'est bon, inutile d'attendre davantage. Le bureau des soins était au bout du couloir. Elle contourna le lit, marcha vers la porte, émergea dans le couloir. La lumière n'y était pas uniforme. Il y avait des zones vivement éclairées et d'autres qui l'étaient beaucoup moins, un peu comme dans un tunnel routier en montagne. Une porte battante et vitrée tous les 10 mètres, l'une d'elles séparait Judith du poste de soins. Il y avait aussi de nombreuses portes closes de part et d'autre du couloir. C'était avec de telles images qu'on faisait monter la tension dans les films d'horreur qu'elle affectionnait, des corridors d'hôpitaux déserts, des jeunes gens cherchant désespérément du secours et n'en trouvant pas. En général, ça finissait mal. Très mal. Elle sentit une sueur tiède mouiller sa gorge, commença à avancer lentement dans le couloir silencieux avec les battements de son cœur pour seul bruit. Elle franchit la porte vitrée qui gémit sur ses gonds. Atteignit avec soulagement la porte grande ouverte du poste de soins illuminé sur sa droite. Vide. Sur une petite télé, passait un clip en noir et blanc, son en sourdine, de Night in White Satin des Moody Blues. Jamais, jusqu'à cette nuit, elle n'avait remarqué à quel point ce vieux tube était sinistre. Elle ressortit de la pièce, jeta un coup d'œil au-delà des autres portes vitrées dans le couloir en espérant apercevoir une infirmière. Elle tressaillit. Là-bas, deux portes vitrées plus loin, dans l'alternance des zones de vive lumière et d'ombre, les silhouettes du parking marchaient dans sa direction. Sa terreur fut telle qu'elle eut du mal à respirer. Le coup de lance dans son flanc si douloureux qu'elle crut à un infarctus. « Cache-toi, Jude !» Se cacher ? Mais où ? Elle franchit la première porte vitrée à rebours, ouvrit une autre porte au hasard sur le côté. Une pièce plongée dans le noir. Elle n'alluma pas la lumière, ne chercha pas l'interrupteur. Elle referma juste la porte sur elle, le visage liquéfié, tremblant de la tête aux pieds. Elle guettait l'approche des deux personnes, l'oreille collée au battant, quand une voix s'éleva calmement dans l'obscurité derrière elle. « Ne bouge pas. Reste tranquille et tout ira bien. »